phénomène. Les MC en cicatrice, télépathie, je compatis. Flow, hémorragie, réagit. Leur faut plus la piste car leur studio est une vessie. Imbécile, tu caches ton fils comme un keuf en vici. Iné, tu veux rimer ou riner des années à traîner. J'ai trimé comme les assédiques. Ton album m'a chômé. J'en mets l'artiste, choqué comme un autiste. Je te conseille l'hospice, me détaille comme un grossiste. Attends, je crois que mes ennemis n'ont pas saisi. Je suis crazy, t'es rincé. Je nasse, t'es pas Jay-Z. T'es pressé, je suis précis. T'es baisé ou poussi. J'ai le gros flow, faut pousser. H douillé, faut tousser. Prototype dans sarcophage, les billets nous soulagent. Courage, nous il sur toi. Y'a pas que leur chico qui rage. Shoot sur les faux frères. Vous niquez, je peux le faire. Soulève tes haltères, y'a quand Louis fait que je me mêle de mes affaires. Cousine, qu'est-ce qui t'arrive? On arrive, tout le monde panique. La bicrave, les pères qui se prototype. Fait des valises, on arrive, on nous évite. Attaille, je casse toutes les vitres. Le jaguar est violent, calibré et prestige musique. Cousine, qu'est-ce qui t'arrive? On arrive, tout le monde panique. La bicrave, les pères qui se prototype. Fait des valises, on arrive, on nous évite. Attaille, je casse toutes les vitres. Le jaguar est violent, calibré et prestige musique. Du rap, je suis le géniteur, je suis le boss qui se bat ailleurs. On les crosse comme des amateurs. T'es un flop, du rap en Alzheimer. Narrateurs, ces rappeurs ont perdu toute leur valeur. Que des rineurs, des primeurs qui attendent comme des pointeurs. On est à l'aise, on a conquis ton vécu sur le halki. Disque d'or, on se bille. Crevard jusqu'au dernier yépi. Crétine vise la rétine. Les MC on les piétine. Ils bluffent pour de la résine. Dans 9-4, moi je réside. Tu ponctuel, ma future hublot au poignet. Même les amputés veulent voir la réussite. Les talonnés, je suis plus ghetto qu'un YZ. Fait briller le bâtiment. J'ai chié dans la usine, donc qui nage dans mes excréments. C'est la haine, on se roguette. Balance des missiles. Ton flow est du père d'RK. Il est Missinga. Exauce les rêves en un clean de sursis. À deux doigts du heps. Hamdoulet, pour toi y'a le sursis. Cousine, qu'est-ce qui t'arrive? On arrive, tout le monde panique. La bicrave, les pères qui se prototype. Fait des valises, on arrive, on nous évite. Attaille, je casse toutes les vitres. Le jaguar est violent, calibré et prestige musique. Cousine, qu'est-ce qui t'arrive? On arrive, tout le monde panique. La bicrave, les pères qui se prototype. Fait des valises, on arrive, on nous évite. Attaille, je casse toutes les vitres. Le jaguar est violent, calibré et prestige musique. Cousine, polyflow, je suis la virale et ta brute. Du haut de la falaise, je regarde ces fils de pute. Mais voyons, je ne sais pas qui ils sont. Si la porte est fermée, je massacre le mur du son. Mon place une marque, j'ai élevé le niveau. Où sont mes rivaux? J'ai aucun équivaut. Rappeur dans le caniveau, quand je bossais le bingo. On veut toucher des lingots. J'suis nympho, du micro. Fais du bien à l'audio. T'arrives, t'es un fiasco. Plus hardcore qu'un porno. Que des rimes en oh no. En terminé, homo. Comment est-ce ta bambino? L'instru, j'l'ai tarot. Fais péter les euros. Cousine, qu'est-ce qui t'arrive? On arrive, tout le monde panique. La bicrave, les pères qui se prototype. Fais des valises, on arrive, on nous évite. Attaille, j'casse toutes les vitres. Le jaguar est violent, calibré et prestige musique. Cousine, qu'est-ce qui t'arrive? On arrive, tout le monde panique. La bicrave, les pères qui se prototype. Fais des valises, on arrive, on nous évite. Attaille, j'casse toutes les vitres. Le jaguar est violent, calibré et prestige musique.